roulerez en Mercedes avec un chauffeur attitré pour les emplettes chez Hermès. Bientôt, je mettrai l'habit de soirée, j'aurai mon nom au palmarès, du tout Paris le distingué. Mais ne rigole pas, tu verras, bientôt, je n'aurai plus que des costards, coupés anglais au dernier cri, pour pavaner dans les grands bars. Bientôt, je me lèverai à midi, et pour mon petit déjeuner, c'est chez Maxime, oui, que j'irai. Mais ne rigole pas, tu verras. Tu verras comme les pépés me tomberont sur les genoux en me trouvant les qualités et pour faire d'une pierre deux coups. Bientôt, je filerai un gros pourboire à ce vieil homme de chasseur, un gros pourboire tout en dollars. Alors, il pourra me dire « Thank you, sir ». Mais ne rigole pas, tu verras que tout cela arrivera quand ma tante Irma claquera.